Oh, OK. Bonsoir. Bienvenue, Terra Incognita. C'est Michel et Bruno ce soir et on est tout contents, nous, de commencer. C'est notre première émission dans les nouveaux studios de CKRL. Et mon Dieu, c'est un bonheur. Et vous savez quoi? Il n'y a plus de fenêtre entre moi et Bruno. Donc, normalement, je vais finir par le faire parler d'une façon ou d'une autre. Mais c'est sûr, il va falloir que je m'arme de patience. Bruno, il hoche la tête. Plus de vitres. Il est comme coincé à quelque part. C'est sûr que je vais l'avoir un moment donné. Ben, c'est ça. 2 bonnes heures de prog, comme d'habitude le samedi soir. Plein de nouveautés. Et j'ai fait quelques recherches aussi pour dans mes vieux disques. L'été, c'est pas tout à fait propice, hein, aux nouvelles parutions. Donc, je me suis dit, attends, on va reculer dans le temps. Et puis, à ma grande surprise, j'ai trouvé des choses que, oui, je connaissais, que je me rappelais, mais je ne me rappelais pas que c'était si bon que ça. C'est-à-dire que je vais vous en faire découvrir quelques-unes ce soir, des raretés, là, comme Horizon, un groupe russe, que, ma foi, j'avais aimé à l'époque, mais là, je pense que j'aime encore plus le réécouter, ce disque-là. Et bien d'autres choses, donc, 2 heures de bon prog. Terra Incognita. On commence avec un groupe britannique qui a pour nom Drifting Sun. Le disque n'est pas encore paru, mais je pense que on peut dire qu'il lance comme un single. C'est la pièce Everlasting Creed. Et avec comme chanteur invité, Joshua Corum du groupe américain Head with Wings. Donc, le disque est probablement. Écoutez, j'ai fait quelques recherches, je l'ai vu nulle part, donc c'est vraiment juste une première pièce de Drifting Sound qui va en être à son 9e album. Thank you.

Ça nous provenait de Norvège. Oui. Mais c'est parce que le Bruno me dit que on n'aurait pas dû tout de suite, mais bon, c'est ce qu'on fait. On y va. On va regarder un peu ce qui s'est passé à l'arrière. C'est ça. La dernière pièce qui faisait un petit peu King Crimson, ça nous vient de Norvège, le groupe Laughing Stock. L'album est sur le point de sortir, il va avoir pour titre Sunrise. Et on avait avant 25 Yard Screamer, ça nous vient du pays de Galles, de l'album Natural Satellite. Et on avait donné le coup d'envoi avec Drifting Sun, excusez l'expression anglaise, single. Everlasting Creed, enregistré avec le chanteur de Head with Wings, le groupe américain de la Nouvelle-Angleterre, pour être plus précis, le chanteur Joshua Corum. Je pense que on va aller faire un petit tour du côté de l'Allemagne avec un doublé. Bruno, tu vas me dire que oui, c'est ça. On a quand même les pubs avant. Parfait. Okay. Donc, je vais vous présenter un peu le groupe, le Karakorum. De l'album Fables and Fairy Tales. Et puis, on aura un autre groupe allemand après. Mais pour l'instant, nous, on se dirige vers les pubs. Et c'est Terra Incognita sur les ondes de CKRL 89.1. CKRL 89.1. CKRL est présentement en campagne d'adhésion 2019-2020. Et c'est le temps de renouveler votre carte de membre ou de le devenir. Adhérez avant le mardi 3 septembre 13h et soyez éligible au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300 $. À cette occasion, nous vous convions au dévoilement de la programmation automne-hiver 2019-2020 dans le nouveau studio Denis Barry. Renouvelez votre carte de membre ou adhérez au 418-640-2575, poste 201, ou au 405 3e Avenue à Limoilou ou avec PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne vous coûte que 25 $ et elle sera valide pour un an à partir de la date d'adhésion. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. La Ninkasi présente Seb's Music Shop de Sébastien Plante, chanteur du groupe Les Respectables. Accompagné de son drum de style New Orleans et de ses guitares, il revisite ses différentes influences musicales. Seb's Music Shop en solo, le samedi 14 septembre, à la Ninkasi dès 21h. 20 $ en pré-vente, 25 $ à l'entrée. Billets disponibles à la Ninkasi ou via le point de vente.com. Ninkasi.ca, 18 ans et plus. Si j'avais les ailes d'un ange, chantait Charlebois. Certains les ont eues. Au tournant des années 2020, il n'était pas inutile de savoir, de se rappeler, de découvrir que la boucane a déjà existé, ainsi que quelques barbus. Come on, baby, take a chance with us. Dans le numéro d'été de Nuit Blanche, Québec psychédélique. Regard actuel, espiègle, critique, parfois acide sur ces années de révolte et d'utopie. Celle des communes, de la revue Mamise, des Jean Basile, Georges Cale, Denis Vanier. Abonnement, point de vente, numéro courant et archives dans nuitblanche.com. This is the end. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Durant les vacances, la relève artistique vous donne rendez-vous. Le collectif Le Cru danse sur la promenade Champlain dans le cadre de leur projet « Ce qui reste ». L'artiste en art visuel Rosalie Gamache expose ses portraits doubles à la bibliothèque Claire Martin. La compagnie Théâtre pour pas être tout seul présente leur pièce « Poulet tipotelé » dans un parc près de chez vous. Pour tout savoir, suivez la page Facebook de Première Ovation. Cet été, découvrez le talent des artistes de la relève. Venez profiter de la grande vente sous la tente au magasin Surplus de Québec dimanche le 25 août 2019 de 10h à 17h. Grande liquidation, stock d'été, barbecue et autres. Hot dog et breuvages sur place. Venez en grand nombre au 400 rue des Rocheuses. N'oubliez pas que chaque achat vient en aide à la communauté sourde à travers le Québec. On vous attend. Slipknot est de retour avec un tout nouvel album studio, We Are Not Your Kind. 14 nouvelles chansons, dont Unsainted. Et Song We First. And take great care to not take care. Slipknot, We Are Not Your Kind. Disponible partout. We'll be right back. left a mark on this lonely soul and frozen heart. Subconsciously drifting into spheres I've never known before. Setting my foot into this world. Peculiar voices never heard, humming a melody that resonates within my skull. Of what I've done as yet, I can't rewind, nor ease my mind. I've put my trust in you. CKRL 89.1. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre au 418-640-2575, poste 201. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Sous la direction artistique de Vincent Roy, Passage insolite est présenté par la Ville de Québec et conçu par Exmuro Art Public. Cette exposition extérieure de grande envergure questionne les différents enjeux de notre société en générant des œuvres intrigantes qui vous feront assurément vivre la ville d'une façon originale et surprenante. Pour cette sixième année, des nouveautés s'ajoutent afin de confirmer Passage insolite comme un des plus importants événements en art public temporaire au Canada. Le parcours propose de découvrir 14 œuvres d'envergure réalisées par des artistes locaux, nationaux et internationaux. À ne pas manquer, jusqu'au 14 octobre, dans le secteur du Vieux-Port, à la Place Royale, dans le quartier du Petit-Champlain et maintenant dans Saint-Roch. Toutes les informations supplémentaires, dont les visites commentées gratuites et la carte du parcours, sont disponibles sur passageinsolite.com. Ce dimanche, venez vous amuser avec vos enfants dans le cadre de Transmutation à la bibliothèque Gabriel Roy. Ateliers de création, œuvres collectives à la craie, maquillage et plus encore. Une ambiance créative et festive pour tous est gratuite. On va jeter un petit coup d'œil en arrière. La pièce qui avait des airs de parenté avec King Crimson, c'est une formation originaire des Pays-Bas qui a pour nom de Black Fall. Un extrait de l'album Clear Perception, et le disque a été mixé par nul autre que Bruce Sword de Pineapple Thief. Je pense qu'ils ont quelques... Quand on écoute le reste de l'album, on comprend pourquoi, parce que il y a beaucoup d'atomes crochus avec Pineapple Thief, Porcupine Tree. Donc, belle association de Black Fall de l'album Clear Perception. Avant ça, on est en Allemagne avec un nouveau groupe qui a pour nom... Ben là, j'espère qu'il n'y a personne qui est ferré en allemand. Mais je... Issun, I-S-S-U-N, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, de l'album Dark Green Glow. Et autre groupe allemand qui avait donné le coup d'envoi, le Karakorum de l'album Fables and Fairy Tales. Dernière heure ensemble, on va aller faire un petit tour. Là, je vous disais que j'ai profité de mes moments libres pour fouiller dans mes archives et Dieu sait que j'ai des caisses là, qui n'ont pas vu le jour depuis. Ma blonde pourrait vous en parler longtemps. Et j'ai ressorti quelques bijoux, dont celui-ci qu'on va écouter à l'instant, un groupe russe. C'est pas très courant, en tout cas, surtout dans les années 80. Ça a été publié en 1986. Le groupe a pour nom Horizon et l'album Summer in Town. On écoute donc Horizon. Thank you. sarà tempo per noi dividere il bianco dal nero. La regina di qua ti sa quando godo ritornerà. Ed è ancora giorno mentre il pavone mostra la ruota e c'è ancora tempo per la gara dei giocolieri. Oggi è un altro giorno anche se ancora non so. Spezzata ed è ancora giorno mentre il sole scioglie il miele e c'è ancora tempo per la sfida degli amanti. Oggi è un altro giorno anche se ancora non so. We'll be right back.

besoin d'une vidéo, Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Car ce n'est pas dans la crème ou dans la nourriture saine que se trouve le secret de la fontaine. La jeunesse est à ceux qui s'aiment. Et j'avais resté jeune avec toi. Les sessions de La Fabrique présentent Melody Spears. Avec toi. Et je te passe la bague au doigt. Et on jouera au mariage. Je te promets, je serai toujours là. Rester jeune avec toi. Tous les talents d'ici, une seule adresse. Lafabriqueculturelle.tv. De retour, on va jeter un petit coup d'œil à l'arrière. C'est un drôle de bloc. il y a beaucoup de mes souvenirs là, des années 90. Et puis, une nouveauté qui concluait le bloc, là, c'était de T-Club, de leur plus récent album If/When. C'était la pièce C'est Yes, un groupe qu'on a eu le plaisir de voir il y a peut-être, mon Dieu, je vous dirais là, comme ça, le rapido, peut-être il y a 5 ans dans le cadre du festival Terra Incognita. Avant ça, ben là, on recule dans le temps et on s'en va au Brésil. En Italie. Le Brésil, c'est après. Avec Camera Astralis de l'album I Supplicanti. Je pense que vous avez remarqué qu'on avait comme affaire au Genesis italien. Période Phil Collins, ça fait assez drôle. J'en parlais avec Bruno tantôt. C'est assez curieux d'entendre. On a vraiment l'impression que c'est Collins qui chante en italien. Un souvenir, donc Camera Astralis I Supplicanti. Avant ça, ça nous venait du Brésil via. Juste pour préciser, le Camera Astralis a été publié en 1998. Via Lumini, donc du Brésil, What Have We Done About Us, ça remonte à 1995 et on avait donné le coup d'envoi avec Horizon, un groupe russe, un album publié en 1986, Summer in Town. Dernière demi-heure, on va aller faire un tour du côté de l'Islande, une de mes belles découvertes des derniers mois, Lucy in Blue, ben pour ceux qui aiment un peu le psychédélique, là. De l'album In Flight. Donc, c'est ce qu'on écoute. Le temps de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de Terra Incognita sur les ondes de CKRL 89.1. Torrent of dread and woe. Facing yourself. the shadows getting short. Thank you.

Bon, ben, il semble bien que le vaisseau spatial de Hawkwind s'est stoppé dans l'espace. En fait, c'est pas Hawkwind, mais c'est quand même un projet relié. C'est Hawk, je vais essayer de le prononcer comme il faut, Hawkestrel. Hawkestrel. C'est tout nouveau, ça s'appelle The Future is Us. Et ça réunit beaucoup d'anciens musiciens d'Hawkwind, dont Alan, le bassiste Alan Davey. C'est un peu lui qui supervise le projet. Avant, bon, on avait RPVL ou RPWL selon la prononciation qu'on peut bien choisir. C'est leur plus récent album Tales from Outer Space. Excellent disque de ce groupe que j'aimerais bien revoir bientôt à Québec. Qui nous ont quand même visité à quelques reprises dans le cadre du festival Terrain Incognita. Et un de mes coups de cœur cette année, Lucy in Blue de l'album In Flight, ça nous vient d'Islande. Et c'est leur deuxième album, le premier est aussi bon, mais un peu plus difficile à trouver. Et donc, si vous avez plus de chances de trouver le In Flight en question, bien, c'est déjà tout pour nous. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Et restez des nôtres, il y a Vincent qui s'en vient dans quelques instants avec l'autoroute. Donc, bonne nuit à l'écoute de CKRL. Cette émission est disponible en balado-diffusion. La terrasse de la Corrigane a fait peau neuve. Venez découvrir la version améliorée de cet îlot de fraîcheur en plein cœur du quartier Saint-Roch. En journée, pour le 5 à 7 ou pour profiter des longues soirées estivales, la terrasse de la Corrigane est un incontournable. En famille ou entre amis, venez déguster une bonne bière artisanale et manger un de nos plats concoctés avec des produits frais et locaux, tout ça au soleil et entouré de verdure. La Corrigane, 380 rue Dorchester, accès à la terrasse via la rue Saint-Joseph. Les 17 et 18 août prochains au Musée de la Civilisation, découvrez l'histoire du quartier Saint-Sauveur comme vous ne l'avez jamais vue. Placé au cœur d'un dispositif numérique et vidéo, accompagné d'images d'archives, de dessins et de musique, un historien vous fera vivre l'aventure de ce quartier populaire de Québec, de la Nouvelle-France à aujourd'hui, au fil d'une expérience qui fera appel à tous les sens. Saint-Sauveur, l'aventure d'un quartier populaire. Une conférence augmentée conçue par les Rendez-vous d'Histoire de Québec, parenthèse 9 et interférences, avec l'appui du Conseil de la culture de Québec et Chaudière-Appalaches. Entrée 10 $, 3 représentations seulement. N'attendez pas. Achetez vos billets dès maintenant sur rendez-vous-histoire-québec.com. Si j'avais les ailes d'un ange, chantait Charlebois. Certains les ont eues. Au tournant des années 2020, il n'était pas inutile de savoir, de se rappeler, de découvrir que la boucane a déjà existé, ainsi que quelques barbus. Come on, baby, take a chance with us. Dans le numéro d'été de Nuit Blanche, Québec psychédélique. Regard actuel, espiègle, critique, parfois acide sur ces années de révolte et d'utopie. Celle des communes, de la revue Mainmise, des Jean Basile, Georges Cale, Denis Vanier. Abonnement, point de vente, numéro courant et archives dans nuitblanche.com. This is the end, beautiful friend. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première Loge Sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de Marie-Pierre Gosselin et de nos différents chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30, Première Loge Sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 Première Avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. Transmutation. Inédit, monumental, éphémère. 21 artistes prennent d'assaut les murs de la bibliothèque Gabriel Roy. C'est Transmutation, une exposition d'art urbain. Transmutation. Création en direct sous vos yeux. 4 étages d'œuvres exclusives. 3 événements festifs. Jusqu'au 18 août, gratuit. Pour plus de détails, consultez le site web de la Ville de Québec. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Bernadette a disparu. Ciné-Voyage présente Tunisie, au cœur de la Méditerranée, et Feu à Tel Aviv. Et au Clap Loretteville, Angry Bird, le film 2. Ciné-Voyage présente Barcelone et la Catalogne, et Good Boys. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma! Slipknot est de retour avec un tout nouvel album studio, We Are Not Your Kind. 14 nouvelles chansons, dont Unsainted. Et Songway First. And take great care to not take care. Slipknot, We Are Not Your Kind. Disponible partout. Ben voyons, le monde est donc bien cheap.